La fille du forgeron, du forgeron de Guingamp. La fille du forgeron avait un âme. Mensonge, lui dit sa fille, amant, je n'en ferai rien. Mensonge, lui dit sa fille, ce n'est que du chagrin. L'amant est à la porte, entend ces quelques mots. L'amant est à la porte, s'en va vers son bateau. Ce n'est que du chagrin. Par la fenêtre courir bien vite. La belle vit son amant et part à sa pause. 8 heures sonnaient déjà à la cloche du patelin. 8 heures sonnaient déjà, ce n'est que du chagrin. Le beau séchant ses larmes courait à perdre haleine. Le beau séchant ses larmes, il avait trop de haine. C'est pour rien, peine était dans son cœur, ce n'est que du chagrin. Au maréchal Ferrand, la belle demanda où courait son âme. Montrant un signe de tête, le port et ses marins. Montrant un signe de tête, ce n'est que du chagrin. En arrivant au quai du port de Guingamp. En arrivant au bateau de son âme. La corde est trop tendue, la belle. La corde est trop tendue, ce n'est que du chat.